Bonux Automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains douces. Bienvenue à tous pour ce nouveau cadeau bonus consacré au sport dans les 80s. Je serai votre hôte ce soir et je suis avec Sirf. Salut Sirf, comment ça va ? Salut Yetcha, bah écoute, ça va pas mal. Très content de parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement, ce qui n'est pas le cas de 80% de la team. Donc je te laisse nous parler de ce sujet, mais sache que vraiment je suis super content de faire cette émission. Eh bien moi aussi, parce que c'est vrai que je fais partie des 20% de la team à aimer aussi le sport. Pas tous, mais on verra ça plus tard. Le sujet du jour étant très vaste, on a choisi de le traiter en demi-temps. La première va être consacrée aux émissions sportives. Eh bien écoute, Yetcha, le coup d'envoi étant donné, on va pouvoir aborder dans cette première mi-temps l'arrivée du sport à la télé, mais aussi revenir sur les principales émissions sportives ayant marqué la décennie. Tout à fait. Au cours du XXe siècle, le sport et la télévision ont, pour une large part, uni leur destinée. Le sport a apporté à la télévision des dimensions événementielles, fédératrices, un petit peu à l'image d'un feuilleton en fait, et puis aussi et surtout l'émotion. En contrepartie, la télévision a mis au service du monde sportif, grâce à l'image, une certaine proximité avec la compétition que ne permettait pas la radio. Il y a eu également, avec l'évolution des technologies, une résonance planétaire immédiate et une esthétique qui est née des progrès techniques et de la mise en scène, en fait, des retransmissions qui deviennent de plus en plus finalement des shows, plus que du sport parfois. On peut noter, par exemple, que les premiers Jeux Olympiques en mondovision ont été ceux de Tokyo en 64 et c'est finalement une sorte de passage de témoin. Ils ont été les derniers Jeux Olympiques sur cendré. C'est Mexico en 68 qui seront les premiers JO sur du tartan, donc un revêtement synthétique. Et donc, il y a eu une sorte de passage de flambeau entre l'ancien et le moderne. Alors, effectivement, on peut noter que jusqu'en 1995 à peu près, l'offre télévisuelle est restée majoritairement structurée autour des trois chaînes hertziennes nationales généralistes gratuites. Donc, on avait Antenne 2, on avait FR3 et donc TF1. Qui diffusait de manière significative des programmes de sport. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. C'est ajouté à ces trois diffuseurs historiques, Canal+, évidemment, qui a fait du sport l'un de ses axes éditoriaux, introduisant une nouvelle donne concurrentielle sur le marché de tout ce qui est acquisition des droits des compétitions les plus prestigieuses. Donc, comme on l'a dit, Jeux Olympiques, les Coupes d'Europe de football, les Coupes du Monde et les rencontres de l'équipe de France de rugby, par exemple. Tout à fait. Et les championnats du monde de fellation. Effectivement, une bien belle discipline que tu viens de nous évoquer là, Yetcha. Comme nous l'avons évoqué, la retransmission sportive était principalement radiophonique jusque dans les années 70, basée sur notamment des commentateurs emblématiques. Je citerai notamment le fameux Thierry Roland, dont on reparlera plus tard, Roger Coudert, et notamment Michel Drucker. Alors, Michel Drucker et Thierry Roland, donc il faut savoir aussi pour l'anecdote que ce sont des commentateurs donc, qui ont commencé pour le sport, avant de faire d'autres domaines, notamment Michel Drucker. Et ils ont été partie prenante d'un mouvement de grève au moment des événements de mai 68, qui a fait qu'ils ont été placardisés et donc un peu sanctionnés par l'ORTF. Ça les a du coup obligés de changer un peu de voix, surtout pour Michel Drucker, pour encore exister télévisuellement parlant. Et Dieu sait si Michel Drucker existe encore télévisuellement parlant. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Hein, voilà. Il y a eu après, durant les années 70 et surtout les 80, une accélération toujours avec les progrès technologiques. Finalement, les enregistrements qui vont devenir possibles avec la VHS, la Betamax, etc. Et vraiment, c'est l'image qui va prendre le pas et on va arriver finalement aux retransmissions en direct. Tout à fait. Alors là, je te rejoins complètement, Yetcha. Par contre, le point négatif de cette accélération est que quand on avait que la radio, on imaginait un peu les matchs comme on voulait dans sa tête, comme quand on lit un bouquin. Alors que quand on avait les images devant nos yeux, il y avait un côté magique qui n'existait plus. Après, je pense qu'au final, c'est une très bonne chose que nous ayons eu droit, notamment au côté direct de la retransmission. Et puis, je vais quand même me permettre de repréciser que Thierry Roland a commencé par commenter du catch, sport très populaire dans les années 60. Dans les années 60, oui, absolument. Avec le fabuleux Roger Coudert, pareil, dont on reparlera tout à l'heure. Justement, tu parles de Thierry Roland, Roger Coudert commentant le catch dans les années 60. On a retrouvé cette facette des doublettes de commentateurs par la suite. Et en fonction des sports, on retrouvait un petit peu les mêmes doublettes, on va dire, de commentateurs sportifs. On peut citer... Alors complètement, parce qu'il faut savoir qu'un bon commentaire sportif... effectivement marche par pair, voire par trinôme à aujourd'hui, puisque il y a même jusqu'à un troisième larron qui vient se joindre pour apporter des éclairages techniques sur la discipline commentée. Ou des conneries aussi, qui ne servent à rien. Ça peut, hein, ça peut, mais ça nous est plus vendu comme un éclairage technique quand même. Hein. Après, à chacun d'interpréter ce que... Les éclairages techniques de Nelson Monfort sont un peu difficiles à avaler, mais bon. Alors, Nelson Monfort... idole de Yetcha, vous allez vite vous en rendre compte. Donc, revenons à nos doublettes célèbres. Alors, effectivement, l'une des plus emblématiques, et la plus emblématique, était Thierry Roland, Jean-Michel Larqué. Bien sûr. Pour ton sport de prédilection, bien évidemment, absolument, le football. Pierre Salviac et Pierre Albaléjo pour le rugby à 15. Charles Bietri et Thierry Gilardi pour le football. On a eu aussi Bernard Faure et Patrick Montel pour l'athlétisme. Qui rejoint Nelson Monfort au rang de tes idoles, hein, Patrick Montel. Absolument. Bernard Faure aussi, hein. Voilà. Ils sont tous dans le panier. Tu vas avoir besoin d'un grand panier, j'ai l'impression, ce soir, Yetcha. Absolument. Non, mais tout ça pour dire que ces personnes, donc en duo, il y avait principalement donc, ce qu'on appelle un journaliste, donc commentateur, et justement un ancien sportif ou ce qu'on appelle un consultant qui venait pour parler effectivement plus des règles et des choses que pour vulgariser un peu le sport commenté. La discipline sportive, ouais. Voilà, la discipline. Et il y a parfois des très bons exemples, on en parlera plus tard, d'abord pour certains sports que je connaissais pas du tout et qui m'ont complètement passionné, notamment lors de Jeux Olympiques où on voit un petit peu des sports qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, et avec des très très bons spécialistes qui vous décryptent les images de manière passionnante, quoi. Moi, j'ai quelques... Notamment le curling ou le cricket. Voilà. Enfin, mais complètement, ouais. En plus c'est vrai, c'est tout à fait ce genre en plus, de sport c'est vrai. Pensais, les choses qu'on ne voit jamais, voilà, puisque l'éclairage médiatique a lieu tous les 4 ans sur ce genre de sport, oui, lors des JO. Mais ne nous dispersons pas, il faut se recentrer, mon cher Sirf, le match n'est pas là. Abordons tout d'abord l'émission multisport par excellence. Je veux bien évidemment parler de Stade 2, qui a vu le jour le 28 décembre 1975. Ah, 75, très bon millésime ça. Exact. En effet, Stade 2, c'est 40 ans de passion du sport, ce qui fait de cette émission l'une des plus anciennes du paysage audiovisuel français. Alors, juste pour vous rappeler un peu le principe de cette émission, au cas où vous ne la connaîtriez pas, c'est une émission qui a été lancée, comme l'a dit Yetcha, en décembre 75, par Robert Chapat, journaliste sur Antenne 2. Donc le concept était très simple, c'est un animateur principal qui se voit entouré d'une équipe de journalistes, chacun dédié avec une, voire deux spécialités sportives. Voilà, donc cette émission était réputée pour être le rendez-vous incontournable de tous les fans de sport, donc le dimanche sur Antenne 2. Donc ayant démarré en 75, elle a encore lieu aujourd'hui, donc on en est à 41 ans de passion du sport. En effet, Sirf, et cela va nous permettre de présenter quelques-uns de ces journalistes qui entouraient justement le présentateur de cette émission Stade 2 et qui ont participé à cette aventure. Alors, on peut citer en premier un journaliste que tout le monde connaît, Jean-Paul Olivier, pour le cyclisme, qui était surtout là pour les anecdotes culturelles. Il présentait les images qu'on voyait de l'église du petit village de Intel, de Trifouille-les-Oies. À vrai, il allait à Quimperlot-les-Deux-Crêpes et puis il parlait un petit peu de la tombe du soldat inconnu. Voilà, donc c'est vraiment des anecdotes culturelles, parfois intéressantes, parfois inutiles, mais il a contribué à la réussite, en fait, de cette retransmission télévisuelle du Tour de France par la découverte, en fait, du pays, de la France, il faisait finalement une forme de tourisme avec des belles vues, finalement, aussi d'hélicoptères notamment. Il y avait vraiment des belles images, c'est vrai, parfois. Et c'est, je pense, pour une de ces raisons que le Tour de France est quand même la troisième émission au monde en nombre de téléspectateurs, quoi. La première étant les Jeux Olympiques d'été, puis la Coupe du Monde de foot. C'est quand même. C'est fou. Ah ouais, c'est complètement fou, ouais. Alors, Jean-Paul Olivier, pour moi, c'est quand même un gars qui, pour moi, a passé sa vie sur la moto 2. Le principe du cyclisme, c'est qu'il y a plusieurs motos, une sur la tête de la course, une autre sur des groupes de poursuivants. Et donc, effectivement, Jean-Paul Olivier qui nous disait « Nous voici en direct de tel village ». Et très honnêtement, c'est une légende pour la plupart des personnes plus ou moins âgées qui suivent le Tour. Oui. Parce que c'est un commentateur, en fait, qui a continué malgré les changements de présentateur pour le Tour de France, notamment. Nous allons passer dans quelques instants au-dessus des épicéas du Mont Tarare, et c'est là, il y a 80 ans, fut créé le premier centre national de vacances pour enfants aveugles. Ça s'appelle d'ailleurs la colonie du Pilon. On les apercevra sans doute dans le col du Pilon. Et tous les étés, ce sont 160 enfants aveugles ou déficients visuels qui vivent quelques semaines ici en découvrant la nature et une vie quasi familiale. Malgré leur handicap, leurs journées sont comme celles des autres, les autres enfants de France. C'est une grande réussite humanitaire. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais il a écrit beaucoup de livres aussi sur le cyclisme et sur le vélo, on va dire, en sens général. C'est plutôt mal écrit, hein, mais il y a parfois des informations assez intéressantes. On sent qu'il y a une recherche documentaire. Alors, dans un deuxième temps, on ne peut pas ne pas parler de Roger Coudert. Il a connu les années 80, mais c'était vraiment la fin de sa carrière, donc puisqu'il a arrêté sa carrière en 1983 et est mort en 1984. Il n'a pas beaucoup profité de sa retraite, non. Le pauvre. Alors, Roger Coudert, c'est pareil, c'est une légende du commentaire de rugby à 15, avec son fameux « Allez les petits !» avec son accent si célèbre, qui lui a même valu le surnom de 16e homme par les joueurs du 15 de France. « Allez, Fanguero ! Allez, petits !» Donc c'est vrai qu'un match commenté par Roger Coudert avait une saveur toute particulière et n'avait absolument rien à voir avec tout autre commentateur sportif du rugby à 15 dans les années 70-80, notamment à l'époque des Jean-Pierre Rive et autres grands rugbyman français de l'époque. Pour ce qui est du rugby, donc après Roger Coudert, comme je vous le disais, qui a connu vraiment le tout début des années 80. Oui, il y a eu Salviac. Il y a eu le fameux Pierre Salviac. Ah oui. Pierre Salviac, son histoire s'est assez mal terminée avec donc France 2 désormais et même le service public, puisqu'il a été un petit peu remercié et mis sur la touche. Ah bon ? Je ne savais même pas. Oui, tout à fait. Donc il a commenté pendant plusieurs décennies le rugby à 15 avec le fameux Pierre Albaladejo. Et puis plus récemment Thierry Lacroix, donc à chaque fois des anciens joueurs, comme je le disais, qui apportaient l'éclairage technique sur les règles parfois un peu compliquées du rugby. Puis alors toujours sur le rugby à 15, on peut citer également Jean-Louis Calmejane, qui avait aussi une spécialité dans le golf et le parachutisme, mais qui a également parlé du rugby à 15. Pour revenir, c'est vrai que Stade 2, donc là on parle de Stade 2, mais ce qui se passait souvent, c'est que les gens qui commentaient les matchs donc en dehors de Stade 2 venaient également parler de leur discipline. Ça arrivait souvent, mais pas tout le temps. D'où Jean-Louis Calmejane et d'autres qui venaient aussi parler de rugby, autres que Pierre Salviac ne pouvaient le faire. Voilà. Il y avait d'ailleurs parfois également des petites interventions sur rugby par Jean Mamère. Tristement célèbre, on va dire, parce qu'il est décédé assez jeune, en 95, il a eu un cancer, il avait 44 ans, mais il est surtout connu parce que c'est le frère de Noël Mamère, le politique, et il se ressemble beaucoup, donc c'est vrai qu'il a été identifié surtout par rapport à ça, et il intervenait également un petit peu sur le rugby, et puis un peu également sur la voile. Alors, il y a eu également, dans les journalistes importants, Patrick Naff. Alors, c'est un journaliste que je tenais à citer parce que finalement, avec Robert Chapat, qui était un cycliste d'un bon niveau, Patrick Naff a été aussi un sportif. Je dis a été parce qu'il est décédé en 2006. En étant jeune, il a eu un accident de mobylette et il a été amputé d'une jambe. Et donc, il faisait partie de l'équipe de France handisport de ski. Et il est notamment l'auteur du record du monde de KL, donc le kilomètre lancé, donc la ski de vitesse, qui a été réalisé aux Arcs que le 16 avril 1988, il a été quand même à 188 km/h, donc sur une jambe. Donc c'est quand même une jolie performance. Voilà. Donc c'était vraiment un sportif quand même accompli. Voilà. Et donc il intervenait dans Stade 2 sur le ski et aussi il s'est spécialisé dans le sport équestre un petit peu plus tard. Ok. Alors autre sport roi de Stade 2 a été bien sûr le football. Alors là, le sujet est un peu plus touffu, puisque beaucoup de commentateurs, puisqu'il y avait de la matière, et puis se sont succédés pour le football. Donc on a eu notamment Thierry Roland et Didier Roustan. Thierry Roland n'a pas fait la plus grande partie de sa carrière sur Antenne 2, hein, mais pour le football. Mais avant de passer sur TF1, il a été aux côtés de Chapat dans Stade 2. Et Didier Roustan, pareil, a accompagné toute la belle équipe de Stade 2. Et puis évidemment, au niveau football, on avait aussi Bernard Père, parfois, qui faisait aussi le basket. Et puis on avait Olivier Rey, un peu plus récemment, et Dominique Leglou. Ah, fameux Dominique Leglou. Encore une de tes idoles, Yetcha. Absolument. Ah. Déjà, il parlait de football, et en plus, il était plutôt mauvais. Donc c'est vrai que... Voilà, mais tu l'avais mis trop dans le même panier. Et puis, il y avait également... Roger Zabel, non ? Roger Zabel. Il n'y avait pas Zabel. Voilà. Ah, oui. Roger Zabel. Alors qui, lui, a été à la fois aussi football et un petit peu rugby. Même s'il a été plus rugby aussi sur TF1. Mais Roger Zabel, on aura l'occasion de parler de lui un petit peu plus loin dans cette émission. Alors, on n'a pas parlé de personnes comme tout simplement Gérard Holtz. Oui, c'est vrai. Alors, Gérard Holtz, qui avait quand même la brosse la plus célèbre du PAF, à un moment. Et puis l'écharpe la plus célèbre en direct du Biwa, qui est la barbe de 3 jours. Mais ça, c'était beaucoup plus récemment sur le rallye Paris-Dakar. À l'époque où ça partait encore de Paris et ça arrivait encore à Dakar. Et pas en Amérique du Sud ou je ne sais quel... voilà, hein, le Dakar, bien sûr. Gérard Holtz qui a quand même présenté l'émission donc à la suite de l'ami Robert Chapat qui lui a commenté de 75 à 85. Gérard Holtz a lui quand même commenté pendant 7 ans jusqu'en 1992. Et c'est d'ailleurs lui qui sera le présentateur lors du sketch parodique des Inconnus à l'orée des années 90. Mythique. Monté sur ses dictionnaires et autres bottins, comme disait Robert Chipote. Avec son petit ballon de pastis. Le ballon de Ricard. De Ricard, oui, oui, bah voilà. Oui, Ricard, je... Ça forçait un peu le trait, mais il y avait quand même une once de vérité sur tous ces personnages. Non, c'était pas qu'une once. Tu peux pas dire que c'était qu'une once. C'était vraiment criant de vérité, moi, je trouvais. Bonjour, vive le sport sur Antenne 2. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Stade 2. Et tout de suite, nous allons commencer. Excusez-moi. Salut. Robert. Oui, Robert, vous commencez à l'heure maintenant. Oui, et puis vous êtes un petit peu en retard d'ailleurs. Bonjour, Robert. Bonjour quand même. Salut, tu vas bien? Voilà, nous allons commencer tout de suite cette édition très chargée. T'as grandi, toi? Non, pourquoi Robert? Si t'as grandi, t'as fait du sport ce week-end? Mais non, j'ai... Bon, d'accord, allez, hop, c'est pas grave, tant pis. Oh ben alors, non, pourquoi tu mets des bottins? Restez alors, naturel, tout de suite, Gérard. Nous allons commencer cette édition très chargée de Stade 2 avec, j'espère, Michel, des images du match Limoges-Montpellier que l'on attend depuis quelques mois, d'ailleurs. Effectivement, depuis 6 mois, ces fameuses images qui opposaient donc, c'était le match de football, les Montpellionnais contre les Limoges-Jeunaux. Oui. Ces images, je vous garantis, nous les recevrons au cours de notre émission. Ah. Faites-moi confiance. Énorme. Enfin, tout c'était énorme, notamment voilà, Robert Chapat qui était également pastiché. Pastissé, on pourrait dire même. Pastissé, tout à fait. Joli. Et puis, on avait notre ami Daniel Casal. Voilà, exactement. Il lui faisait souvent des blagues. Enfin, là, on parle de Stade 2. Hein. Il lui faisait souvent des petites blagues. Il se fichait un petit peu de lui. Et donc, les Inconnus ont repris aussi ça. Entre le pastiche de Holtz et le pastiche de Chapat, il n'arrêtait pas de faire des blagues de potache à la personne qui incarnait Daniel Casal. Enfin, c'est vrai que c'était très drôle. Tout à fait. Et c'est encore très drôle. Et puis, il y en a un qu'il faut que tu nous évoques également, c'est quand même notre ami haltérophile. Eh oui, Pierre Fula. Pierre Fula, alors, il a été mis en avant et un petit peu raillé aussi, notamment par nos amis les Guignols, un peu plus tard, en 98, pour les fameux JO d'hiver de Nagano, puisqu'il donnait sa fameuse phrase ici à Nagano, avec une voix un petit peu nasillarde et tout. Et donc, Fula s'occupait de la gym, du judo et donc du ski sur Stade 2. Ouais. Eh bien, oui, ici à Nagano, comme vous le voyez sur ces images, c'est... Oula, oui, magnifique ce que fait là le Bulgare d'origine finlando-alémanique, Pierre Viechniemi, un athlète, ma foi, d'un très beau gabarit. Rappelez-vous, il était déjà champion olympique en 90. Oui, Pierre, aidez-nous, de quel sport passionnant s'agit-il? C'est du curling, c'est ça? Eh bien, il s'agit bien sûr de l'épreuve reine, le surf monojambiste sur bosse avec tir au fusil à l'arc couché sur 30 km. 500. Ici, Nagano. Voilà, c'est vrai que c'était... Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des anecdotes. C'est vrai qu'à Nagano, j'avais découvert, moi, surtout avec des consultants, le speed skating... Le short track. Le short track, pardon. Et je me souviens des analyses, parce que ça va quand même très vite, hein, les actions sportives, quel que soit le sport, c'était très très rapide. Et lorsqu'il y avait une chute, un accrochage, etc., il y avait un consultant qui parlait, je ne sais plus qui c'était, et il expliquait en fait tout ce qui se passait à l'écran. Et après, il nous montrait le ralenti. Et en fait, il expliquait que le patin du gars s'était placé de telle façon parce qu'il avait mis sa hanche plutôt comme ça en ouvrant un peu son genou et il n'aurait pas dû. Du coup, il est parti un peu de travers, il s'est écarté de 5 cm de la trajectoire, ce qui a fait j'ai gêné l'autre, machin. Il décryptait les images en direct, en vitesse réelle, et ça, je trouve que dans les émissions sportives, c'est assez rare de trouver ce genre de consultants vraiment ultra pointus et qui connaissent la discipline. Et je trouve que vraiment, vraiment, j'insiste, dès qu'il y a des consultants qui sont vraiment bons, pointus, quel que soit le sport, on adhère. On adhère parce qu'on découvre et on décrypte l'image. Et je trouve que c'est vraiment, c'est passionnant, ça devient passionnant. Et tant qu'il n'y a pas vraiment un mec qui s'y connaît à fond, je trouve que parfois, c'est un peu léger, quoi, les remarques techniques qu'on peut avoir. Bref. C'est d'ailleurs comme ça que tu t'es mis au short track. Et puis c'était... Je ne me suis pas mis au short track, mais par contre, ça me fait penser, à, en parlant d'analyse technique, au responsable de l'athlétisme sur Stade 2, le célèbre Patrick Montel. Allez, c'est parti. Alors, Patrick Montel, là, je pourrais vous en parler pendant des heures, telle mon aversion est forte envers ce monsieur, parce qu'il est vraiment tout simplement mauvais. Alors, moi, j'ai pratiqué l'athlétisme pendant une vingtaine d'années, donc c'est un sport que je connais très bien. Et Montel, c'était, on le voyait, c'était un champion du faux direct. C'est-à-dire qu'il faisait du différé tout le temps. Pas du différé de 1 heure ou 2 heures, du différé de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. On entendait parfois ce que sur un stade d'athlétisme, il se passe tout le temps quelque chose. Et en fait, quelquefois, on entendait des cris de foule. On se disait, oh là, il s'est passé quelque chose. Bah là, il y a un concours de hauteur, de perche, de je sais pas quoi qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. On attendait quelques secondes et 30-45 secondes après, ah, on va aller sur la piste parce que il y a un tel qui va s'élancer pour faire son saut en longueur, le troisième. Attention, est-ce qu'il va passer en première position? Voilà, il essaye de délayer un petit peu. D'emblée, on sait qu'il va faire un bon saut parce que vu le bruit qu'il y a eu dans la foule, c'était clair que ça allait être un bon saut. Et le gars était capable de nous donner la mesure des jets ou des sauts quasiment au centimètre près, comme ça, à la volée, et pour nous faire croire qu'il l'avait vu en direct, etc., etc. Alors qu'à plusieurs reprises, moi, je l'ai surpris sur du direct, à même pas se rendre compte quand quelqu'un mordait une planche, à ne pas réussir à évaluer les distances sur un jet ou sur un saut. Je vois bien qu'il est incapable de faire ça en direct, en fait. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. Je l'ai vu plusieurs fois tourner le dos au stade en étant vissé sur ses écrans de télé. Et je me disais, mais pourquoi il est sur place, quoi? Il peut rester en France et puis regarder des écrans de télé, il commentera aussi bien, voire mieux, que d'être dans le stade. Donc c'est vraiment, il y a plein de choses comme ça. Et la fameuse finale, on peut finir là-dessus parce que je pourrais vraiment vous en parler pendant des heures. La fameuse finale de Pérec. Ah oui, la finale de 96, où à Atlanta, où il gagne le 400 mètres. Bah, ça a été commenté. Il s'énerve comme un fou, là, à la fin, qui part devant tout le monde, etc., qui abat tous ses adversaires. Ça a été commenté en différé. La course s'est courue, donc on l'a pas vu en direct à la télé, hein. On l'a pas su, enfin on l'a su après, mais et il a commenté en différé, en s'énervant, comme si c'était un direct, alors qu'il connaissait le résultat, quoi. Donc c'est vraiment... Un acteur formidable. Ah oui, un acteur formidable, ouais, si on veut, quoi, mais c'est pitoyable. Enfin vraiment, c'est un mec que je supporte pas. Moi maintenant, quand je regarde, les quelques fois que je regarde l'athlétisme à la télé, je coupe le son, quoi, je ne peux pas, quoi. Accusé Montel, levez-vous. Ouais, ah oui, non, c'est... Bon. Bon, je m'arrête là. Eh bah, le voilà, vraiment... le voilà rhabillé pour l'hiver. on va passer à Lionel Chamoulot, hein, pour repartir dans la déconne. Non, c'était pas du tout la déconne. C'était un mec super austère, qui était spécialiste de Formule 1 dans Stade 2. Comme quoi, le fait de pas faire de vagues et de pas faire de blagues et rien du tout permet de gravir les échelons. Et ben, Lionel Chamoulot deviendra chef des sports sur Antenne 2 France 2 par la suite. Ah oui. Voilà, beau parcours. Bon, alors, les émissions multisports, c'est bien, surf, mais il faut pas oublier les vrais spécialistes, les émissions dédiées. Et notamment, je pense à Téléfoot, la référence dans ce sport que je déteste tant. Tout à fait, Yetcha, là, je te sens très crédible dans ce que tu viens d'annoncer. Donc, effectivement, on va se parler un petit peu de Téléfoot. Alors effectivement, Téléfoot, comme tu le disais Yetcha, une émission donc vraiment dédiée au football comme son nom l'indique, et à la télé, hein, c'est quand même bien fait, oui. Comme nom, hein, les mecs, ils ont vraiment réfléchi. Ah, ils ont bossé. Alors d'où c'est vient... C'est un footballeur qui a trouvé le nom de... Non. C'est alors... D'où vient Téléfoot? Donc, la petite histoire de Téléfoot, c'est que, donc, en septembre 76, la Ligue de football propose, donc, à Antenne 2 de céder, donc, à cette chaîne gratuitement les résumés des matchs à la seule et unique condition qu'ils consacrent au football un magazine hebdomadaire. Gratuitement, ouais. C'est... Voilà. Pour, donc, le but, c'était vraiment d'évangéliser et donc de vraiment marier football et télévision. Mmh. Voilà. Puisque, bah, il y avait un froid depuis qu'on avait commencé à mettre du Justin Bridoux sur les maillots, vraiment de la pub partout sur le, autour des stades. Ah oui, ça arrive à cette époque. Là, en fait, le... Enfin, c'est arrivé voilà, début des années 70. Voilà. D'accord. Donc, il y a cette proposition et puis ben, donc, Antenne 2 refuse cette proposition. Comment ils font alors avec aujourd'hui ? Il y a une équipe de foot là, qui a été sponsorisée par Jackie et Michel. C'est ta soirée. Non, mais c'est vrai. Oui, mais je crois que c'est une équipe vraiment de division très inférieure, jamais diffusée. D'accord. Non. C'est vraiment un club de division très, très inférieure. D'accord. Je pense. Sous la ceinture, quoi. Under the belt. D'accord. Tout à fait. Donc, je disais que Antenne 2 refuse la proposition de la Ligue. Enfin, c'est surtout Roger Couderc et surtout Robert Chapat, donc toujours lui, qui repousse cette proposition sous prétexte qu'une émission qui passerait que des buts de foot, ça n'intéresserait personne. Des visionnaires, non ? C'est assez étonnant, d'ailleurs, de leur part quand même, parce qu'ils connaissaient bien le sport, etc. Donc, c'est... Oui, mais c'est qu'en fait, Chapat étant un ancien cycliste et Roger Couderc vraiment à bloc sur le rugby, bah, il ne voulait pas que le football vienne marcher sur, sur la plate-bande. Donc, bah, du coup, l'année suivante, en 77, la Ligue propose à TF1 contre une offre cette fois-ci payante. Ah oui. Le même concept, sauf que eux acceptent. Voilà. Ah oui. Donc en fait, dès le début, c'est un peu l'argent qui va faire fonctionner le foot et même les émissions qui sont consacrées au foot. C'est dingue, c'est dingue. Exactement. Donc c'est la création de l'émission Téléfoot qui, à l'origine, se tient le vendredi soir. Une demi-heure après la fin des matchs de Division 1, donc en gros vers 22h30, avec au commentaire Pierre Cangioni. Le vendredi soir, c'est marrant parce que moi j'ai des souvenirs plutôt de dimanche matin, parce qu'en fait, moi le dimanche matin, je voulais regarder les dessins animés, les émissions tranquilles, et mon père, il venait toujours couper mes émissions, mes dessins animés pour enfants, là, pour voir Téléfoot, quoi. Alors ça a peut-être joué dans mon aversion pour ce sport, mais... Alors effectivement, tu as raison, Yetcha, l'émission à partir de 1981 est déplacée au dimanche matin, effectivement. Ah, enfin, d'accord. Midi en fait. À midi. Dans un premier temps, de 12 à 13. Ah oui, j'avais l'impression que c'était vraiment le matin, moi. Bah, ça, c'est plus récemment. D'accord. Oui, maintenant, ça passe entre 10h30 et 11h, 11h30. À peu près. Donc voilà, en 1980, on déplace l'émission au dimanche de 12 à 13. Le but, il est simple, c'est d'attirer un public plus large, dans un premier temps. Et de manger devant la télé. Et surtout, bah, puis juste avant Jacques Martin, quoi, du coup, t'enchaînes. Oui. Avant l'après-midi, Jacques Martin. Tu manges devant Téléfoot et après, tu peux chanter avec les enfants. En fait, la deuxième raison, c'est surtout une raison technique. Si on revient sur le concept de Téléfoot. Téléfoot, c'était juste après les matchs le vendredi et ça proposait donc le résumé de seulement deux matchs des grands formats en fait, de la journée de championnat du vendredi et du samedi soir, puisque les matchs avaient lieu soit le vendredi, soit le samedi soir. Mais le gros souci, c'est que bah, à l'époque, à la fin des années 70, les moyens techniques n'étaient pas ceux que nous avons actuellement, où on a des cars rigides partout, les matchs sur toutes les chaînes en direct, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, bah, il fallait pouvoir monter en très peu de temps les images pour diffuser un Téléfoot. Et donc, le fait de décaler tout cela au dimanche permettait de donner bah, toute la journée du samedi aux équipes techniques de TF1 pour bah, proposer beaucoup plus d'images. Parce que c'est vrai que proposer seulement deux matchs sur les, allez, on va dire, 7 à 10 matchs que pouvait compter une journée de championnat, c'était quand même occulter une bonne partie des matchs de la journée. Voilà. Ils étaient obligés de censurer, enfin pas censurer, mais vraiment... Non, de sélectionner leurs matchs. Sélectionner leurs matchs. De manière drastique, quoi. De miser sur des affiches, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Donc il y a des semaines où ça pouvait tomber sur des vraiment beaux matchs et des belles affiches, et d'autres semaine, bah, c'était un peu moins bien. Sachant que bah, il n'y avait pas seulement ces grands formats, mais il y avait également les buts étrangers, qu'on appelait dans Stade 2 notamment. Alors eux, sur Téléfoot, appelaient ça les buts venus d'ailleurs. Et le journal du football, et également bah, des petits sujets sur bah, la médecine dans le football. La médecine de dopage, tu veux dire ? On ne l'appelait pas comme ça à l'époque, non, mais voilà, non, on appelle ça vraiment médecine. D'accord. Et puis peut-être la kinésithérapie, on ne sait pas. Puis des dessins animés sur le football. Voilà. L'émission à la base s'appelait Téléfoot 1. Et à ton avis, pourquoi elle s'appelait Téléfoot 1 ? Parce que Téléfoot sur la première chaîne ? Je sais pas. Soit voilà, pour garder les mêmes initiales que TF1. Ah, j'avais même pas compris. Ah oui. Moi, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Donc, ils ont changé ce nom-là très rapidement pour appeler l'émission uniquement Téléfoot. D'accord. Et donc, en termes de présentation, donc on a Pierre Cangioni jusqu'à la fin de l'année 81, qui avait créé l'émission, mais tout simplement, bah, on lui retire la présentation de cette émission. Et puis, on met à la place une autre figure du journalisme sportif dans un premier temps. Je connais. À savoir Michel Denisot. Eh oui, c'est ça. Donc Michel Denisot qui bah, aura quand même fait pas mal de choses dans sa vie, notamment donc chef des sports sur Canal, président du PSG, et puis présentateur d'émissions beaucoup plus grand public dans les années 2000, dans un premier temps donc sur TF1, mais très rapidement après sur Canal+. Et puis bah, son plus haut fait d'armes, c'est quand même d'être encore président d'honneur aujourd'hui de la Berrichonne de Châteauroux. Et de faire des mauvaises blagues aussi. Désolé. Selon les guignols. La différence entre un pigeon et tout ça. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc bon, alors, on était obligé de citer Michel Denisot, mais ouais. Le présentateur emblématique de Téléfoot reste et restera à jamais, paix à son âme, l'ami Thierry Roland. Ouais. Qui arrive donc d'Antenne 2 pour présenter Téléfoot à partir de 1984. Mmh. Bah là, le concept de Téléfoot s'en trouve quelque peu bouleversé, puisque bah, y a pas mal de consultants, parce qu'avant, il y avait un consultant, donc notamment Giroud, dans les premières années, notamment en 83. Mais ensuite, là, arrivent les Didier Roustan, donc, qui étaient avant aussi sur Stade 2, et puis après, on a Roger Zabel, on a Frédéric Jaillant, on a bien évidemment Jean-Michel Larquet, Pascal Pro plus récemment, enfin bon, bref, toute une ribambelle de consultants qui viennent épauler donc l'animateur principal, à savoir Thierry Roland. Oui, on l'a poteau encore. Oui, on l'a poteau de l'autre côté, incroyable. Oh, c'est pas vrai ça. Incroyable, les deux coins du poteau, les deux lucarnes. Oh là coup là, sur là, coup. Là là là là, c'est pas fini, c'est Eric Bardon, il est passé. C'est invraisemblable. C'est un dingue. Invraisemblable alors. Et notamment, on a bah, la fameuse Marianne Macco, qu'on ne peut pas ne pas évoquer, qui était la seule journaliste de football du PAF, avec sa fameuse rubrique Crampon-aiguille. Crampon-aiguille. Qu'elle a menée jusqu'en 97, avant d'être bah, licenciée sans vraiment de grosses raisons, à part il y avait un peu trop de journalistes, il fallait un peu recentrer sur les gens qui ont de l'expérience. Donc merci madame, au revoir. D'accord, donc on enlève la dame. Ouais. Voilà, bah, sachant que Thierry Roland n'était pas réputé pour être la personne la plus tolérante d'un point de vue du féminisme. Donc je pense que voilà, ouais. Il n'a pas été étranger à son limogeage. D'accord, bah écoute, merci beaucoup mon cher Sirf pour toutes ces explications sur Téléfoot. Mais le foot, c'est bien, mais ça commence à fatiguer à force de courir après le ballon. On va peut-être s'installer tranquillement dans une voiture ou sur une moto pour parler d'une autre émission culte. Eh bien oui, tout à fait, Yetcha, on veut évidemment parler d'automoto, puisque, comme son nom l'indique, ça parle uniquement d'auto et de moto. Eh bien en fait, pas du tout, puisqu'il n'y a pas que l'auto et la moto, mais c'était le concept de départ de cette émission. En effet, Sirf, Automoto a été une des premières émissions de télévision française hebdomadaire consacrée à l'automobile et à la moto. C'était diffusé sur TF1. Elle a été créée le 11 janvier 1975, encore un très bon millésime, toujours le même millésime d'ailleurs. Alors, ça a été créé par Jacques Bonnecarrère, Jean-Pierre Chapelle, Georges Decaune et Jacques Villa, sous le nom, au début, de Automoto 1. Donc, on retrouve un petit peu voilà. Le Téléfoot 1, sauf que là, ça fait AM1 et pas TF1, donc ça marche pas. Donc, ça a été ensuite reformaté beaucoup plus tard par Charles Villeneuve en 2004. Et elle a été diffusée. Et elle l'est toujours. Et elle l'est toujours. Elle l'est toujours, d'ailleurs, oui, le dimanche, de 10h10 à 10h50. C'est précis. Et c'est juste avant Téléfoot. Ah, c'est ça. Enchaîne après sur Téléfoot, d'accord. Ah, mais le Français qui aime le sport, le dimanche matin, c'est TF1. Le rituel, c'était Automoto, ouais. Et derrière Téléfoot. Et le Français, qui est plutôt tourné vers la croyance et la religion, il a le jour du Seigneur sur France 2. Voilà. Oui, il y a parole bouddhique avant. Mais... Tout à fait. Ah bah, faut pas les oublier. C'est vrai. Et donc, on peut signaler que, quand même, cette émission a reçu un set d'or. Les fameux set d'or, voilà, de la meilleure émission sportive, donc en 86 et en 96. Et à signaler enfin que Automoto est la plus ancienne émission de TF1 et elle possède la plus grande longévité du PAF après Le Jour du Seigneur et Les Chiffres et les Lettres. Alors juste quand même pour reparler un peu de cette émission Automoto, souligner quand même que, donc, comme tu l'as dit, Georges Decaune étant le père de... Zut. Antoine Decaune. Oui, bah oui, je cherchais son prénom, hein, bien sûr. Voilà, lui-même. Pardon. Et surtout, donc, Pierre Van Vliet, qui était donc le présentateur emblématique de l'émission. Oui. Et on signale également des gens qui sont encore en activité aujourd'hui, et notamment une légende du commentaire de F1, à savoir notre ami Yves Géniès, qui officiait également sur Automoto. Alors c'est vrai que c'est une émission que je qualifierais quand même de, on va dire, très grand public, dans le sens où elle ne traitait pas non plus toutes les disciplines, ou alors de manière très très très rapide, puisqu'elle se concentrait vraiment sur la Formule 1, un tout petit peu de rallye, et après en moto on était vraiment sur le GP et puis l'enduro du Touquet une fois par an, ouais. Puis ça s'arrêtait là. Après avec les années, il y a eu l'introduction des essais des véhicules, un peu à la manière du Turbo sur M6 et toutes ces émissions, donc qui permettaient aux gens de découvrir un peu les dernières nouveautés en matière de voitures, et surtout des voitures qui peuvent aussi être inaccessibles, hein, ça permettait de tester un peu des voitures haut de gamme. Globalement, c'est le rendez-vous incontournable des fans de... Alors avant les Top Gear et autres émissions qui existent actuellement, ça restait un incontournable des amateurs de sport mécanique au niveau de la télévision française, clairement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sirf, mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, il y a eu une très forte influence d'une chaîne privée à décodeur. Canal+, elle a joué un rôle quand même très très important sur les retransmissions sportives durant ces années-là, et tu vas nous en parler un petit peu. Effectivement, Canal+ est une chaîne créée donc en 1984. La situation de 1984 au niveau du football, comme on l'a évoqué plus tôt, c'est que en gros on a Téléfoot sur TF1 et puis on a une page foot sur Antenne 2. Et puis donc en 1984, Thierry Roland et Jean-Michel Larquet arrivent sur TF1, qui s'approprient les matchs de l'équipe de France. Ce qui fait que on voit TF1 comme l'ogre qui a mis la main sur le football. Mais Canal+, donc qui se lance en novembre 84, nous rappelle que un nouvel acteur peut être le troublion au niveau du football, puisque dès son lancement, Canal+ donc a obtenu un excellent accord qui fait que, en gros, le football et tout ce qui va autour lui coûte plus cher selon le nombre d'abonnés de la chaîne. Donc plus il y a d'abonnés, plus elle doit payer cher pour les programmes et notamment le football. Comme je vous le disais, lancé le 4 novembre 84, dès le 9 novembre 84, Canal+ diffuse son premier match de football. Et Yetcha, toi qui es un grand connaisseur du football, quel est le premier match diffusé par Canal+ Alors là, j'en ai absolument aucune idée. J'imagine un grand match entre, je sais pas moi, Rennes et Nice. Alors dans les années 80, c'était des clubs qui étaient quand même moyennement en tête d'affiche. Je ne sais pas du tout où ils sont. Ils sont en tête d'affiche en ce moment, je ne sais pas. Rennes et Nice, c'est ventre mou plus quoi. D'accord. Voilà. En fait, le premier match diffusé par Canal+, c'était Nantes-Monaco. D'accord, donc un match international. Deux grosses équipes de l'époque. Et donc on partait sur un match de chaque journée de championnat qui serait diffusé sur la chaîne cryptée. Ce qui maintenant paraît absolument ridicule. Oui. Puisque maintenant, donc il faut savoir que le football s'étale pour permettre justement que on ait une offre football qui soit la plus répandue possible. Mais actuellement, on a absolument tous les matchs accessibles en direct entre Canal+ et beIN Sports. Mais Canal+ en a au moins 4 par journée. Ah oui. Donc un à l'époque, c'était vraiment peu. Mmh. Mais bon, c'était déjà beaucoup puisque aucune autre chaîne n'en diffusait en direct à l'époque. Au mois de mars 1985, donc Canal+ se lance dans la diffusion en clair, puisque Canal+, comme tu l'as dit, est une chaîne payante, donc cryptée, donc nécessite la location d'un décodeur. Oh, on peut peut-être s'arranger. Moi, j'ai connu des décodeurs pirates. La passoire à mettre devant les yeux. Pour, exactement, en tournant la tête à droite à gauche. Pour, tout à fait, légende urbaine. Voilà. On a tous essayé. Exactement. Maman, t'as pas une passoire quoi faire. Non, fallait la prendre tout seul quand même, la passoire. Toi, tu regardais encore ça le samedi à minuit. Alors, diffusion en clair d'un match de Coupe d'Europe entre Bordeaux et Dniepropetrovsk. Et quoi ? Dniepropetrovsk. Dniepropetrovsk. Dniepropetrovsk. Ah, c'est russe ? Tout à fait. À l'époque, c'est soviétique. Soviétique, oui, nous sommes en 1985. Absolument. Ce match permet donc d'avoir une audience assez large, provoque la colère des chaînes concurrentes, mais surtout permet aux abonnements de Canal+ de se lancer, puisque les 6 premiers mois de la chaîne ont été un peu compliqués en termes de nombre d'abonnés, mais ce premier match en clair de Coupe d'Europe permet aux abonnements de décoller. Ils auraient dû essayer de diffuser aussi en clair un film pornographique, peut-être que ça aurait accéléré aussi le... Ça aurait pu, écoute, c'est vrai, avec le recul, Oui, finalement. Tout à fait. Autre point, diffusion, alors la Coupe du Monde au Mexique, comme tu le sais, qui a eu lieu en... Ah ça je sais, je veux pouvoir en parler tout à l'heure. La Coupe du Monde 86, Mexique, Mexico 86, oui. J'ai même eu un album Panini, c'est pour te dire. Super, donc cette Coupe du Monde, donc, on a tout fait pour que les grands pays de football, à savoir l'Europe, hein, parce que voilà, puissent voir les matchs en prime time. On a fait disputer les matchs soit à midi, soit en début d'après-midi, puisqu'à cause du décalage horaire, forcément. Ah oui, il devait faire chaud. Absolument, notamment lors de ce fabuleux France-Brésil à Guadalajara. Alors voilà, le France-Brésil de Guadalajara, eh bien c'est le seul match de foot que j'ai vu en entier. Eh bien, c'est pas le pire. C'est pas vrai ce que je dis, c'est le seul match de foot que j'ai vu en entier à la télé, car j'ai été voir un match de foot en vrai. Et oui, j'ai été emmené par mon père à un match de foot. De force. De force, absolument. Quand j'étais plus petit, j'ai été voir un camp PSG. On était à Caen, hein, donc voilà. Et j'ai vu Dominique Rocheteau jouer en vrai, voir un match de foot. Bon, ça m'avait fait chier, en fait, hein, y a pas à dire. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mon truc. Mais en tout cas, ce match de foot de la Coupe du Monde, j'avoue... C'était un beau match. Que c'était un beau match, que j'ai vibré, que c'était intense, et j'en garde un très bon souvenir. C'est presque mon seul bon souvenir de foot que j'ai vécu. Le deuxième très bon souvenir, bien sûr, c'est quand la France se fait virer en qualification à la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. Ça, c'est un très, très, très, très grand souvenir pour moi. Comment voulez-vous que je continue après ça? Je me retire. Au revoir. C'est un scandale ce que j'entends là. Donc effectivement, cette Coupe du Monde 86 au Mexique est la première qui est diffusée en France intégralement. D'accord. Avec donc 39 directs et 13 différés. Et donc toutes ces diffusions font que donc depuis le milieu des années 80 et donc depuis le lancement de cette chaîne qui était Canal+, le marché des droits sportifs n'a cessé de croître financièrement pour atteindre des sommets. En gros, le concept actuellement, c'est la Ligue de football découpe les différents championnats et les différentes compétitions pour les attribuer par lot et donc par diffusion selon si vous êtes sur mobile, si vous êtes sur en télé, sur internet et ainsi de suite. D'accord. Et puis fait des packages qu'ils vendent aux diffuseurs. Et chaque diffuseur a fait, il y a des appels d'offres et voilà. D'accord, mais alors c'est vrai que le foot, tu as raison quand même, Canal+ a joué un rôle vraiment important par rapport à la diffusion de footballistique en France, surtout sur le... Mais il n'y a pas que ça. Surtout sur le direct, mais non, il n'y a pas que ça, car il y a également d'autres sports qui ont été mis en avant par Canal+, et d'autres sports où il y a énormément de fric également. Le lancer de ballots de paille, évidemment. Presque, c'est presque un ballon de paille, mais bon, c'est du plastique, je crois. C'est le golf. Le golf qui, le 13 avril 86, fait son entrée à la télévision. Et donc, c'est sur Canal+, avec le Masters de Golf, puis le Trophée Lancôme. En 89 même, ils vont devenir la première chaîne de télévision à diffuser en intégralité le Grand Chelem de golf. Donc, en avril, le Masters, en juin, l'US Open, en juillet, le British Open, et en août, l'US PGA. Donc, c'est quand même quatre grands tournois de golf. Alors bon, on est sensible ou pas au golf. Moi, j'y suis pas spécialement sensible. J'aime beaucoup les jeux vidéo de golf, mais sinon le golf en lui-même, je regarde jamais, mais c'est quand même à noter. Et où a lieu le Masters, mon cher Yetcha? C'est en Angleterre, non? Ah ben non, c'est le British Augusta, Open. Augusta, monsieur. Augusta, monsieur, avec sa fameuse veste verte. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Je vois bien. Voilà. Et alors, donc, le golf a été quand même un vecteur important pour le sport sur Canal. Et il y a eu également la boxe, qui a eu une grosse histoire avec Canal+, également, avec, en avril 87, le 7 précisément, Canal+, qui diffuse l'un des plus grands combats de l'histoire de la boxe, puisqu'on a Sugar Ray Leonard face à Marvin Hagler, un match mythique, qui a été diffusé donc en direct sur Canal+, en 87. Alors moi, j'avoue que je disais plus Ray Sugar Leonard, mais je devais me tromper, quoi. Enfin, où je devais inverser. Mais... Ah, non, je crois que c'est Sugar Ray hein, quand même. Hein. Mm-hmm. Après Sugar Rush, Sugar Ray, c'est magnifique. Mais alors, au-delà de ces deux sports supplémentaires qu'on vient de citer, il y a... Un incontournable, voilà. Le sport états-unien, notamment la NBA, hein, le basketball. La National Basketball Association, exactement. I love this game. Comme le dit le slogan. Oui, et donc Canal+ diffuse depuis la saison 84-85. Elle fait donc une diffusion de matchs régulière, des playoffs jusqu'au All-Star Game, avec l'intégralité des finales, etc. etc. Donc c'est vrai que la NBA a été très diffusée sur Canal et a permis, en Europe, enfin en France en tout cas, hein, en premier lieu, de faire découvrir un autre basket. Parce que là, vraiment, la NBA, c'était un peu what the fuck, quoi. C'est autre chose que les clubs français, effectivement. Ah oui, quand on voyait un match de basket français ou même européen à côté, oui, ça n'avait rien à voir, quoi. Enfin, c'était un truc de fou. Et depuis plusieurs années, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, les différences se voient quasiment plus. Mais à cette époque-là, c'était phénoménal. Rien que la ligne à trois points était plus loin. Était plus loin, un mètre plus loin. aux États-Unis. Un mètre plus loin. Ce qui est une différence énorme. Et le temps de port du ballon aussi, qui était à 24 secondes, je crois, alors que c'était en 30 secondes. Si je ne me trompe pas, les politeurs me corrigeront si je fais une erreur. Je crois que c'était 24 secondes ou 26, et c'était 30 secondes en Europe. Donc, forcément. Et les durées de mi-temps, quart-temps aussi étaient. Et puis, les mêmes. Alors, comment ils appellent ça ? Défense de zone qui était interdite, mm-hmm. C'est ça, aux États-Unis, hein, je crois. Ah, hein. Oui. C'est que du one-to-one, quoi. Enfin, c'est. Ce qui a fait que les joueurs européens et notamment français, les premiers à arriver en NBA, ça s'est fait très très tardivement. Bah oui, parce que le style de jeu, les règles étaient un peu différentes. C'était pas du tout le même sport, finalement. C'était pas le même sport. C'était pas le même sport. Et puis il y avait aussi quand même une très très grosse filière professionnelle aussi aux États-Unis qu'il n'y avait quand même moins en France et en Europe, quoi. C'était quand même moins marqué. Là, les gars, dès l'université, il y avait déjà des gens qui faisaient que du basket, quoi. Et puis après, qui étaient draftés plus tard. Enfin bon. Les fameux étudiants qui ne savaient pas écrire, limite, mais qui étaient forts en basket, donc qui avaient des bourses. Bah, bien sûr. Dans toutes les séries américaines, tout ça. Bah, oui, toujours on a fait ça dans plein de trucs. Et puis il y avait pareil sur la NFL, la NHL, etc. Ah. Alors, Sir, est-ce que tu peux nous parler, par rapport à la NBA, parce que en parlant de NBA, voilà. On ne peut pas ne pas parler de Monsieur George Eddy, qui était la voix du basket sur Canal+. Oh, baby, baby, baby, baby, il est en train de faire des miracles. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de faire? Vous avez vu Sean Kemp qui reste en l'air pendant à peu près 3 heures. Tony Kukoc, ouais, belle passe de Luc Longley pour Jordan Bobot. Baby, baby, baby, Jordan qui va dans les cieux. Comme contre c'est la Slovénie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Ce fabuleux George Eddy qui a démarré donc dans les années 80 avec Charles Bietri. Donc Charles Bietri qui était un peu Monsieur Sport sur Canal+, au début de la chaîne, et qui sera ensuite relayé par Eric Bénard plutôt dans les années 90 aux commentaires avec George Eddy. Alors George Eddy, qui a un profil atypique puisque il a tout simplement un diplôme de criminologie. Il rejoint le service des sports en janvier 1985 comme spécialiste du basket et du football américain. Il a aussi couvert de l'athlétisme, donc ça te fera plaisir, Yetcha. Mais ça reste quand même le monsieur basket qui a, je pense, accompagné tous les jeunes que nous étions à l'époque dans un basket showtime avec son fameux badaboom du centre-ville et autres expressions fleuries et imagées qui permettaient vraiment de... déjà que c'était un sport spectaculaire par rapport au basket français et européen, mais là, ça prenait une... Il apportait une dimension vraiment fantastique. Moi, ce que j'aimais bien vraiment chez George Eddy, outre ses commentaires pendant les matchs, c'était ses interviews. C'était un gars qui savait interviewer. Bon, alors, il est bilingue parce qu'il est états-unien, donc il parle parfaitement anglais. Quand il était sur les... Alors, c'est un petit peu plus tard, parce qu'au début, ils n'étaient pas encore sur place, sur les parquets aux États-Unis. Mais lorsqu'il interviewait des joueurs, il faisait venir le joueur. Il lui posait 2 ou 3 questions en anglais. Il échangeait très rapidement en 15, 20 secondes, 30 secondes maximum le joueur, et puis il laissait partir. Et ensuite, il nous traduisait sa question, sa réponse, etc., pour qu'on puisse comprendre pour les non-anglophones ou même ceux qui n'avaient pas prêté attention, quoi. Et là, j'ai l'impression que tu vas nous parler d'une de tes idoles. Exactement. Je vais parler d'une de mes idoles que un nombre de gens incroyables adulent parce qu'il parle fantastiquement bien l'anglais. C'est Nelson Monfort. Et les gens se gargarisent de la qualité de ses interviews. Alors moi, je suis désolé, mais quand on demande à une fille qui vient de remporter son 100 mètres, au lieu de lui poser des questions d'ordre technique sur comment s'est passée sa course, etc., parce que c'est quand même, c'est une sportive, elle vient de faire son 100 mètres, comment s'est passé, etc. Non. Lui, il lui demande de chanter une comptine en français qu'elle chante à son bébé alors que c'est une russe, quoi. Moi, c'est un truc que je trouve complètement aberrant. Il pose des questions complètement à côté de la plaque. Il leur parle en français, parfois. Les gens ne comprennent pas le français. Il leur parle en français. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois. Il monopolise les gens 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Il les agrippe, il les laisse comme ça, les sportifs qui ont envie de rentrer tranquillement derrière, se détendre, etc. La main sur l'oreille. Vous, bonsoir. Voilà, il monopolise vraiment et il pose des questions complètement absurdes. Enfin, je comprends pas cette joie que les gens ont pour Monfort, mais... Et quelle doublette avec Monsieur Candeloro. Ben, pour le patinage, moi je trouve que c'est la même chose pour Monfort, mais avec Candeloro, au moins on rigole, quoi. Au moins on sent qu'il est naturel, quoi. Monfort, c'est... Oui, il est nature, oui. Je sais pas, c'est lourd, c'est mal fait, c'est mauvais. Michael, you've been dreaming of this for so long, and I mean now, this 19th 32 can surpass your wildest dreams. I mean, you could dream of the gold medal, but 1932 is a record that could last like Beeman's record. I mean, vous pouviez rêver de la médaille d'or, ça c'était légitime, mais de rêver un temps de 19 secondes et 32 centièmes... Well, no, Michael, just an answer, just an answer. Huh? I felt good. Oui, alors voilà, Michael Johnson qui est harcelé par la police, il faut faire très vite, excusez-moi. Allez, dans le panier avec les autres. Revenons sur George Eddy. Revenons sur George Eddy. Fantastique. George Eddy qui, comme tu le disais, nous permettait de vivre des matchs qui avaient parfois lieu jusqu'à 10 jours avant. Ah oui, c'est ça qui est incroyable. Je pense que tu peux nous évoquer ce dossier, Yetcha. Comment se fait-il qu'on se retrouvait avec des matchs de NBA seulement 10 jours après? En fait, c'est qu'au début des retransmissions, alors, en 85, Internet n'existait pas, en tout cas pour le grand public, et il fallait qu'ils se documentent par rapport aux joueurs, par rapport aux équipes, par rapport, etc. Donc, ils se documentaient uniquement avec le Herald Tribune, le USA Today et ensuite Sports Illustrated. Il faisait aussi des voyages, il ramenait des guides de NBA, etc., qui étaient bourrés de statistiques, d'informations, etc., etc. Donc il se documentait pour le foot US aussi, hein, il faisait pareil. Et il se documentait sur tout ça. Ensuite, il voyait les matchs, il recevait les cassettes, il les regardait. En fait, il recevait les cassettes une semaine après les matchs. Et puis, c'était diffusé quelques jours encore après, le temps qu'il regarde le match, il commente, il fasse parfois un peu de montage, etc. Donc au moment de la diffusion sur Canal+, du match, il avait parfois vu le match 3 ou 4 fois, quoi. C'était quand même incroyable de mettre autant de ferveur et de dynamisme dans quelque chose qu'il avait déjà vu 3 ou 4 fois. C'est un acteur, en fait, un comédien. C'est vraiment un mec... Une sorte de Patrick Montel, quoi. Non, mais un bon comédien. Tu sais, il y a les bons et les mauvais comédiens. Il voit un match, il commente. Voilà. Et puis l'autre... Il voit un match, il commente aussi, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, du tout. Bon, alors, et puis, alors, une autre chose qui est assez folle, c'est que Canal+ est lancé en 1984, mais la première fois que Canal+ se déplace pour la couverture sur place et en direct des finales NBA, c'était seulement en 1991, soit 7 ans après la création de la chaîne. Ouais, c'est dingue. Je trouve ça assez fou. Oui, c'est difficile. Voilà, sachant qu'à l'époque, comme le confessait George Eddy, il n'y avait que 3 télévisions étrangères sur place, à savoir le Mexique, l'Italie et la France. Donc, j'avoue que là, ça m'a laissé un peu sans voix. Ah oui, moi aussi, j'ai découvert ça en faisant des recherches pour l'émission et ça m'a estomaqué, ouais. Parce que voilà, dans mon souvenir, effectivement, c'était avant ça, mais bon. Et puis, comme tu le disais, il a également couvert la NFL, le Super Bowl. 18 derniers Super Bowl, quand même, il a couvert. Hein. Voilà, donc c'est quand même c'est pas mal. Total respect également. Et puis également un peu de baseball, mais bon, là, ça n'a pas trop pris. Non, ça n'a pas trop pris. La seule fois où le baseball a un peu pris dans nos contrées, c'est quand Michael Jordan a essayé de se mettre au baseball, puisque, effectivement, Michael Jordan, c'était un peu le dieu du basket américain pour nous, français et européens. Donc tout ce qu'il faisait, on le suivait, hein, le golf, le baseball, enfin... Pour revenir sur Canal+, on peut citer également la NHL qui est couverte également surtout lors des phases finales, hein, quand même, on va pas se mentir, mais voilà. Et puis donc en conclusion de ce dossier Canal+, on peut quand même dire, comme on l'a évoqué, que ça a vraiment été un tournant, l'arrivée de cette chaîne sur le paysage audiovisuel français, et que ça a accompagné vraiment le découverte des sports américains pour absolument toute la jeunesse qui a connu les années 80-90. En dépit du fait qu'elle ait été finalement cryptée, parce que c'est vrai que c'était quand même un frein, on va dire. Si ça avait été sur une chaîne publique ou sur une chaîne non cryptée, ça aurait eu peut-être un impact encore plus fort, je sais pas, mais... Absolument, mais comme tu l'as signalé, il y avait des moyens d'obtenir cette chaîne de manière un petit peu... illicite. Voilà, illicite. Mais, et puis surtout, il y avait un aspect Canal+ fédérateur, puisque j'ai moi-même connu ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y avait un voisin, un ami qui avait un décodeur, et donc c'était le prétexte à venir voir le match de foot principalement, ou le gros match de finale NBA chez lui. Et cette chaîne a contribué là aussi à vraiment nous faire partager de grands moments. Alors après, je ne dis pas que tout était bien sur Canal+, mais il y avait quand même des grandes émissions de sport qui ont été lancées sur cette chaîne. L'équipe du dimanche, qui est pareil, un rendez-vous incontournable pour les fans de foot européens, et qui existe encore d'ailleurs. Enfin bon, bref, tout un de bons programmes. Et avec une technique de réalisation, pareil, qui a un peu révolutionné aussi les retransmissions. Mmh. Parce que c'est vrai que du coup, un côté plan-plan qui était sur les chaînes hertziennes standards, on arrivait avec plus de moyens, avec plus de caméras, avec plus, comme son nom l'indique, Canal+. Mmh. Là aussi, c'était du plus. Coup de sifflet, coup de sifflet. Et nous voilà donc à la fin de cette première mi-temps, du beau jeu, de belles actions, en espérant que le niveau soit aussi bon, voire meilleur, lors de la seconde mi-temps. Ça tombe bien que tu parles de beau jeu, Yetcha, car quand je regarde le programme de ce qui nous attend pour la deuxième mi-temps, je pense qu'il ne pourra pas en être autrement. On se retrouve donc très bientôt pour cette deuxième mi-temps qui, vous l'aurez compris, sera consacrée aux événements marquants de cette décennie sportive. Salut, salut ! Salut à tous et à bientôt, ciao ! Tu dis bien Top Gear. Oui. Et tu t'appelles comment la console portable de Sega ? Game Gear. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut le dire. Comme le GameCube. Enfin bref. La Game Boy de toute façon, donc on s'en fiche. Le Game Boy. Bref. Oh là là là là, le point Godwin. Bon. Comme nous vous. J'ai fait claque en même temps que toi. Ah bon, je m'ai entendu, je me suis dit, mais pourquoi il fait pas claque? Excuse-moi. J'ai fait claque. Mais ne nous dispersons pas, il faut se re. Mais mon vélo. Allez, on l'a fait. Mais ne nous dispersons pas, il faut se recentrer, mon frère chiffre. Mon frère chiffre, c'est bon ça. Oh putain, ça va être dur. Mais t'as complètement craqué. Bah il nous fait du porno alors c'est pour ça que... C'était pardon. Très bon ça. Oh putain. On le garde ça ou pas? On verra bien, je vais reprendre avec un claque. Non mais mais non. Non mais la suite. Est-ce que t'avais fini là en fait? Oui, là après mais... c'est nous en ping-pong. Oui, tout à fait. Donc, ouais. Donc, faut quand même que je dise un truc, que je rebondisse. Sur quoi? Sur les fédérations.